إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، قال عز وجل: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Créons Allah Azza wa Jal, il est dit dans le verset: Allah ne change rien pour des gens ou pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. فقال عز وجل: لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن لعل المفاهيم اختلطت على بعضنا، فأصبح يفهم لا يغير الله ما بقوم حتى يغير غيرهم. أبدا أخ الإسلام، التغيير يبدأ منك، التغيير يبدأ من الفرد، فلا بد إلا إذا أردنا أن تتغير أحوالنا إلى حال أحسن أن نغير ما بأنفسنا. Donc il semble, frère en Allah Azza wa Jal, que certains parmi nous ont compris: Allah ne change rien pour un peuple que tant que ce peuple ne change pas les autres. Abadan, jamais de la vie à l'islam. Si nous voulons que ça change, il faut que le changement commence par nous-mêmes. Parce que nous sommes les individus qui forment cette société, et le changement doit commencer par tout un chacun de nous. Il doit se réformer, il doit se songer et changer ceux qui sont sous sa responsabilité pour que la société puisse changer. Sinon, pas de changement à l'islam. الناس تجوب الشوارع الإصلاح الإصلاح الإصلاح وأي إصلاح تريدون. Les gens courent dans les rues, dans les manifestations, etc. Nous voulons les réformes, mais quelles réformes vous cherchez? La réforme commence par soi-même. Islah yabda'u min an-nafs wa at-taghyir yabda'u min an-nafs. Le changement doit commencer de l'individu lui-même. Si l'individu n'a pas changé et il demande aux autres de changer, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un hic. C'est impossible, akh al-islam. كثر الخلاف كثرت الفتن كما نص على ذلك الذي لا ينطق عن الهوى من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ ما السبيل إلى الإصلاح؟ ما السبيل إلى التغيير؟ إلى الخروج من هذا الخلاف؟ سبيل واحد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Les divergences, les différences d'opinion, les principes sont des déluges de principes fondamentaux, des déluges de voix, ténèbres de voix déviantes. Et chaque jour, tu as une nouvelle voix qui arrive. Comment sortir de tout ça? Comment sortir? Tu crois que le fait de sortir et d'être sur la bonne voie et sur la voie authentique, il appartient à la raison humaine? Abadan. Il appartient à la décision politique? Abadan. Le changement, il est dans la révélation. Le changement, il est dans la sunna du prophète. C'est lui qui a dit, il est le véridique, qui n'a dit que la vérité, celui qui vivra parmi vous, après moi, il verra beaucoup de divergences. On est dedans. Comment en sortir, ya Rasulallah? Comment? Comme si quelqu'un avait posé la question à Rasulallah. Comment en sortir dans ces cas-là, si on est dans cette époque? Il a donné le seul remède qui existe. Il n'y a pas 50 000 remèdes, ni deux, ni trois, un seul. La voie sur laquelle je suis, hein, cramponnez-vous à ma sunna et la sunna du Khalif bien guidé. Mordez dessus avec vos molaires et faites attention à toute nouveauté, car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est vouée au feu de l'enfer. Est un égarement, et tout égarement est voué au feu de l'enfer. Donc Rasulullah, il a tracé la voie. Divergence, malaise, problème, perturbation, fitane, comment sortir? C'est de revenir à la voie sur laquelle était Mohammed a.s. et ses nobles compagnons. Car il a dit, ma voie est la voie de mes nobles compagnons. Et il a, quelqu'un peut comprendre que ce sont deux voies différentes. Tabadin, parce qu'il a dit, mordu dessus, et il a fait que ce soit une seule voie, mordu dessus avec vos molaires. Donc c'est la voie, c'est la voie de qui? La voie de Mohammed a.s., d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, et des autres compagnons, radiyallahu anhu ardhahum. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه عندما تكلم عن الاختلاف والافتراق في هذه الأمة قال عن الناجية وعن التي ستكون على خير في الدنيا وفي الآخرة عن هذه الطائفة المنصورة وعن هذه الفرقة الناجية قال عنها وأعطى لها شعارا عظيما ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أردنا تغيير لابد أن نرجع إلى الطريق الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. ولن يكون تغييرا أبدا أبدا أبدا. في فرق الآن لها مئة سنة ما جرت على الأمة إلا الويلات إلى الآن. لماذا؟ لأنها انحرفت عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام وبحثت عن التغيير في مناهج مستوردة أو مناهج اخترعتها من تلقاء أنفسها أو اخترع لها مؤسسوها. فكانت النتيجة مئة سنة ضياع هذه الأمة، وكانت النتيجة أن دخل في السبعينات آلاف بل مئات الآلاف من شباب المسلمين إلى السجون فقط بدون تغيير. والحال هي الحالية اليوم من الناس هذا. لماذا؟ لأننا لم نأخذ الدواء الذي نصت عليه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. Donc Allah Azza wa Jal, la voie de la réforme, la voie du changement pour aller vers le mieux, c'est aussi la même voie. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a tracé la voie du groupe victorieux, du groupe qui va être sauvé. Quand il a parlé du groupe et de la divergence, la division qu'il va y avoir dans cette communauté, il a dit, il y a un groupe qui sera dans la vérité, il y a un groupe qui va être victorieux, il y a un groupe qui va être sauvé. Et il lui a donné un titre. La voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons, c'est tout. Rien d'autre. Simple. Donc il faut qu'on cherche cette voie-là. Il faut qu'on cherche cette voie-là et qu'on accomplisse cette voie dans notre vie. Et qu'on oriente ceux qui sont sous notre responsabilité à accomplir leur vie dans cette voie-là. Sinon, il n'y aura pas d'issue. Il y a des groupes qui existent, des groupes contemporains qui ont un siècle maintenant. Ils n'ont drainé sur la communauté que les catastrophes et les massacres et les perturbations. Donc, vers la fin des années 70, des milliers, sinon des dizaines de milliers de jeunes se sont retrouvés en prison à cause de ces principes fondamentaux de ces groupes. Et ils ont passé 20 ans, 30 ans, ils sont rentrés à l'âge de 18 ans, après ils sont sortis à l'âge de 50 ans. Certains sont sortis aveugles, certains le dos courbé complètement. Pourquoi ? qui les a poussés à tout ça, qui les a envoyés dans la gueule du loup, sinon ces princes et fondamentaux de ces groupes qui étaient en déviance avec la voix de Mohammed a.s. Sinon ces voix criées par les hommes qui n'ont pas pris en considération la sunna de Mohammed a.s. et la voix du noble compagnon Ridwanullah alayhi. Le remède de cette communauté, la réforme de cette communauté ne serait obtenue par quelque chose qu'on prend d'ailleurs. Ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni des philosophes, ni des politiciens, ni des sociologues. Abadan. Le remède de cette communauté doit venir de la sunna de son messager alayhi salam et du livre d'Allah avec la compréhension du noble Zahir Ridwanullah alayhim qui sont les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Point, c'est tout. Sinon, pas de changement. Sinon, pas d'honneur. Pas de puissance. Rien du tout. Abadan. فيجب علينا أن نتعلم الطريق الذي يمكن به أن نخرج من المأزق ومن الفتن التي نحن فيها وهذا الطريق لا يمكن أن نتعلمه إلا بالتضلع في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لكي نرى مواقفهم كيف كان منهجهم كيف كانت عقيدتهم كيف كانت أخلاقهم كيف كان فهمهم للدين كيف كان تعاملهم مع النوازل ومع المواصب المصائب التي أصابت الأمة فهنا الله عز وجل partant de là il est obligatoire pour nous de connaître cette voie là et pour la connaître nous devons nous pencher sur la biographie de Mohammed alayhi salam de ses nobles compagnons pour voir comment ils étaient, ces nobles compagnons, dans la compréhension de la religion, dans les croyances qu'ils avaient, dans le comportement qu'ils avaient avec autrui, dans le comportement, comment ils ont résolu les problèmes et les catastrophes qu'ils ont vécues à leur époque. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Dans la religion d'Allah, on a le remède à notre problème. Dans la sunna de Mohammed alayhi salam et la voix de ces nobles compagnons, on a le remède à nos problèmes. Pourquoi emporter? Pourquoi chercher? Pourquoi imiter l'autre? En imitant l'autre, on fait que aggraver la situation de la communauté. En imitant l'autre, on fait que envoyer la communauté et la jeunesse de cette communauté dans la gueule du loup. C'est tout. فع مع الخليفة التالي لهذه الأمة ومع بالضبط مع مواقف هذا الخليفة رضي الله عنه وأرضاه لكي نتعلم المواقف السليمة ونتعلم العقيدة السليمة ونتعلم طريق الإصلاح وطريق التغيير يا ذك le noble compagnon رضي الله عنه وأرضاه le deuxième خليفة de cette communauté pour apprendre le chemin, pour savoir c'est quoi le chemin de la réforme, c'est quoi le chemin du changement, pour apprendre ce que c'est que l'aqida, pour apprendre ce que c'est que le comportement, pour apprendre comment agir avec les événements après l'islam. Fa Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah, lahu mawaqif mutamayiza fi hayati al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. تدل على صلابته وشدته وقوته في دين الله عز وجل كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه أجمعين والحديث صحه الإمام الترمذي الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تحليقه على سنن الترمذي Les positions de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, sont particulières durant la vie de Mohammed alayhi salam et après la mort de Mohammed alayhi salam. Que ce soit pendant la khilafa d'Abu Bakr ou pendant sa khilafa lui-même, il avait des nobles positions, radiyallahu anhu wa arda. Des positions qui prouvent la force de la religion et la force de la voix de ce noble compagnon, radiyallahu anhu wa arda. Et ça ne peut pas être autrement. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus clément de ma communauté, pour ma communauté, c'est Abu Bakr. Et le plus ferme, hein, et le plus fort dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala, Omar, radiyallahu anhu arda. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, authentifié par Sheikh Nasr, rahimallahu aimmat al-muslimin. وقال صلى الله عليه وسلم أشد أمتي في الله عمر. Et الرسول صلى الله عليه وسلم dit le plus fort pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de ma communauté عمر رضي الله عنه وارضاه. فلنأخذ الدروس والعبر من واقف عمر ومن حياة عمر رضي الله عنه وارضاه. Nous devons prendre les leçons et les règles dans les positions de Omar radiallahu ta'ala anhu wa arda. Mawqif al-awwal akhir islam indama aslama Omar. Lama aslama ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda ata al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqal ya Rasulallah inni la ada'u majlisan jalastuhu fil kufri illa a'lantu fihi al-Islam fata al-Masjid wa fihi butun Quraysh mutahalliqa faja'ala yu'linu al-Islam wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fatara al-Mushrikun alayhi فجعلوا يضربونه ويضربونهم فلما تكاتروا عليه خلصه رجل. La première déposition de Omar ibn al-Khattab quand il s'est converti à l'islam, regardez cette fermeté, cette force dans la religion. Pourtant ils étaient peu nombreux. Il est venu voir le messager d'Allah, Azza wa Jal, il lui a dit: oh messager d'Allah, chaque endroit dans lequel je m'asseyais pendant la mécréance, je vais aller à ces endroits que je fréquentais pendant la mécréance et je vais déclarer mon islam là-bas. Haut et fort. Et il est venu à la mosquée, à la Kaaba, et il y avait toutes les familles de Quraysh autour de la Kaaba. Il s'est levé, il a déclaré son islam: j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Ils se sont tous révoltés contre lui, ils ont commencé à le frapper, etc. Et quand il s'est fatigué, il s'est assis, il y a un homme qui est venu le libérer et qui l'a pris sous sa protection. Yaqulu ibn Umar radiyallahu anhu warda faqultu li Umar من الرجل الذي خلصك من المشركين؟ قال ذاك العاص بن وائل السهمي. وهذا إن دل على شيء يدل على شدة عمر وقوته وصلابته في دين الله عز وجل. يدل على قوة الفاروق في دين الله عز وجل. Ibn Omar a demandé à son père, il lui a dit: qui est l'homme qui t'a libéré ce jour-là des associateurs? Il dit: c'était l'As ibn Wa'il Suhami. Et il a pris, comme nous l'avons vu hier, Omar al-Khattab sous sa protection. Et cette position de Omar al-Khattab, s'il prouve quelque chose, il prouve la force de la religion de ce noble compagnon radiallahu anhu arda, qu'on déplaise à ceux que les détestent. C'est eux qui méritent d'être détestés. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines. Farouq radiallahu anhu arda, azzallahu bihi l'islam, wa istajaba li da'wati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam alladhi دعا الله أن يعز الإسلام بأحد الرجلين فعز فكان حب الرجلين إلى رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. Qu'on déplaise à ceux qui détestent Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. L'homme pour lequel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait dua, il a dit: oh Allah, honore l'islam, renforce l'islam avec l'homme que tu aimes le plus parmi ces deux-là, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab. Allah subhanahu wa ta'ala aimait plus Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Il a ouvert son cœur à l'islam, et il a honoré l'islam, et il a renforcé les musulmans et l'islam avec la conversion de Omar ibn al-Khattab. Yarhamuk Allah. Min mawaqifihi kadhalik fi ghazwati Badr. خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أئمة الكفر بعد موتهم، وكان لعمر موقف، كذلك كان لعمر موقف في أسرى بدر بعد أن نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين في بدر وقتلوا 70 من صناديد قريش. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحب قتل المشركين إلى آبار ببدر فألقوا فيها. فلما كان ببدر اليوم الثالث وقف على 24 رجلا منهم من صناديد قريش في إحدى الآبار، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة رضي الله عنه وارضاه: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحصرة وندامة. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. Les positions de Omar ibn Khattab durant la bataille de Badr contre Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam s'est adressé aux morts des associateurs dans le puits. Quand il s'est adressé aux grands chefs de la mécréance qui sont morts pendant cette bataille. Et aussi ses positions pour les prisonniers de Badr. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné le triomphe aux musulmans sur les mécréants pendant la grande bataille de Badr, 70 parmi les plus grands hommes de la mécréance sont tombés, sont morts. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'ordre de prendre les morts et de les jeter dans les puits. Et quand il est arrivé le troisième jour où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était toujours sur le campement de Badr, il est allé dans un puits dans lequel il y avait 24 parmi les grandes têtes de la mécréance, jetés dans le puits, enterrés dans le puits. Et il a commencé à les parler par, alors à les appeler par leur nom, par le nom de leurs parents et de leurs grands-parents. Ô Foulan, fils de Foulan, ô Foulan, fils de Foulan. Est-ce que, ça aurait été pas mieux pour vous d'avoir obéi à Allah et au messager d'Allah? Nous avons trouvé ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Est-ce que vous avez trouvé ce que votre souverain vous a promis? Omar, il dit: ô messager d'Allah, des corps dans lesquels il n'y a plus d'âme, comment ils vont t'entendre? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui tient mon âme entre ses mains, ils entendent plus ce que je dis que ce que vous entendez vous-même. Qatada, parmi les grands tabi'i radiyallahu anhu arda, dit: Allah subhanahu wa ta'ala a redonné la vie à ses morts pour qu'ils puissent entendre. Et pour qu'ils soient rabaissés, blâmés, et qu'ils puissent entendre les paroles de Muhammad alayhi wa sallam. Pour qu'ils sentent le rabaissement. فموقف عمر هنا إن دل على شيء يدل على أن عمر وأصحابه تربوا على أن الموتى لا يسمعون أخ الإسلام. La position ici qu'avait Omar ibn Khattab رضي الله تعالى عنه وارضاه prouve que les nobles compagnons رضوان الله عليهم ont été éduqués sur le fait que les morts, une fois qu'ils sont morts, ils n'entendent pas. وهذه هي العقيدة الصحيحة في الكتاب والسنة وفق منهج سلف هذه الأمة. Et ça, c'est là les croyances authentiques qui vont de pair avec le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, selon la voie et la compréhension de le plus élevé d'Allah. جاء دليل آخر أن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه. أما غير ذلك فعقيدتنا وعقيدة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الموت لا يسمعون بعد موتهم. Il a été rapporté une preuve comme quoi le mort, quand on le pose dans sa tombe et qu'on l'enterre, il entend les pas, le clapement de pas de ses compagnons qui l'ont enterré au moment où ils partent. Ça, nous y croyons parce que notre prophète alayhissalam nous l'a annoncé. Et ça s'arrête là. Mais notre croyance se base sur le fait, la croyance des nobles compagnons et du messager, comme quoi les morts n'entendent pas après leur mort. أما ما يعتقده الخرافيون والقبوريون أن الموتى يسمعون فتراهم يقفون عند القبور يدعون الموتى ويستغيثون بهم من دون الله فهذا شرك أكبر وهذه عقيدة فاسدة. Quant à ceux que croient certaines personnes croient que les morts entendent et tu les vois s'arrêter devant la tombe d'un mort et commencer à l'appeler « Ah, c'est Diflan, ah, c'est Diflan !» Et ils demandent secours à ce mort en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la grande mécréance et c'est l'associationnisme à l'islam. Et ça ne fait partie en rien des croyances authentiques de l'islam. وعندما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فيما يصنع بالأسرى بأسرى بدر فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم وعلل ذلك بقوله فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام وأشار عمر بن الخطاب بقتلهم وعلل ذلك بقوله فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé, s'est concerté avec Abu Bakr et Omar concernant les prisonniers de Badr, Abu Bakr a dit, il faut prendre une compensation. On les libère pour une somme d'argent chacun. Parce que, ils ont des liens de sang avec certains parmi nous et ainsi de suite, etc. Et ça va nous donner de la force sur les mécréants. Et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va les guider, ouvrir leur cœur à l'islam. Omar ibn al-Khattab a dit, Ya Rasulallah, il faut les exterminer jusqu'au dernier parce que ce sont les imams de la mécréance. Wa mala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila ra'i Abi Bakr radiyallahu anhu warda biqabul al-fidya fanazalat al-ayah al-karimah fi muwafaqat ra'i Umar fi asra Badr ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fi al-ard turidun 'arada ad-dunya wallahu yurid al-akhirah wallahu 'azizun hakim walawla kitabun min Allah sabaqa lamassakum fi ma akhadhtum 'adabun 'azim. Et juste après, le Coran est descendu en concordant avec la décision de Omar et avec la position de Omar. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est penché vers le fait de prendre, de les libérer contre eux, soit une somme d'argent, soit ceux qui savent lire, ils apprennent à lire aux enfants des musulmans et ainsi de suite. Omar ibn Khattab a dit, il faut les exterminer, le Coran est descendu, concordant avec la position de Omar radiallahu ta'ala. Il est dit dans le verset, prophète n'avait pas à voir de prisonniers. Vous voulez des choses de ce bas monde, Allah, il veut l'au-delà. Et si ce n'est quelque chose qui a été dans le destin auparavant, vous auriez reçu l'énorme châtiment. La révélation est descendue ici, concordant avec les positions de Omar. Radiallahu anhu wa arda. في غزوة أحد نادى أبو سفيان وقفا وهو قائد المشركين في غزوة أحد بعد الهزيمة يشمت بالمسلمين ويفخر بآلهته وجعل ينادي أفي القوم محمد فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال في القوم ابن أبي قحافة فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال في القوم ابن الخطاب فقال أبو سفيان لقد قتل هؤلاء. فلم يملك عمر نفسه فقال كذب عدو الله لقد أبقى الله لك ما يخزيك. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Et aussi sa position lors de la bataille de Uhud. Quand les musulmans ont subi la défaite, quand ils ont été défaits durant cette bataille, Abu Sufyan s'est levé et il a commencé, il était le commandant de cette armée d'associateurs pendant la bataille de Uhud. Il s'est levé pour rabaisser les musulmans et pour s'enorgueillir avec sa divinité. Et il a commencé à appeler. Est-ce que Muhammad est là? Est-ce que Muhammad est au milieu des gens? Rasoul nous dit, ne répondez pas. Ne lui répondez pas. Est-ce que Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, est là parmi les gens? Rasoul ne répondez pas. Est-ce que parmi les gens, il y a Ibn al-Khattab? Et Abu Sufyan, quand il n'a pas eu de réponse, il a dit, ceux-là, ils sont morts. Hein? Et c'est les trois. Grand homme, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, juste après lui, Abu Bakr Omar, ça y est, hein? Omar n'a pas pu se retenir, il s'est levé, il a dit, il a monté l'ennemi d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé ce qui va te déplaire. Ah, là, c'est les positions d'Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala. Et ceci est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Une force dans la religion, à tous les niveaux, hein? موقف عمر في زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق. يقول جابر عبد الله بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وارضاه كنا في غزاة وهي غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار أي ضربه برجله فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين فقال أوقد فعلوها يقصد بذلك المهاجرين أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني لعنة الله عليه بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه وارضاه هذا الشاهد دعني أضرب عنق هذا المنافق دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه والرواية رواها الإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله الجميع Sa position concernant le chef des hypocrites et le leader des hypocrites, Amidin Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la première position pendant la bataille de Bani al-Mustalaq. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, comme il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, de nous dire qu'ils étaient dans une bataille, la bataille de Bani al-Mustalaq, un homme parmi les muhajirin, hein, a donné un coup de pied à Ansari, un allié de Médine. L'Ansari ne s'est pas retenu, il a appelé « Oh l'Ansar !» Le Muhajiri de son côté, il a dit « Oh le Muhajiroun !» Rasoul a entendu ça. Il a dit « Comment vous faites des appels de la période pré-islamique hein? Parce que ça appelle le tribalisme ça. Et c'est quelque chose qui est pion. » Hein? La paix, le tribalisme, au sectarisme, au nationalisme, c'est une puanteur. Il a dit à Rasulallah, un homme parmi les muhajirin a frappé, a donné un coup de pied à un ansari. Et tu as entendu ce que tu as entendu, Rasulallah. Délaissez-la, c'est une puanteur. Délaissez-la, cette appellation de la période pré-islamique, délaissez-la. Ce tribalisme, mettez-le de côté, c'est une puanteur. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, a dit, ils l'ont fait. Voulons dire par ça, ils ont, que le Muhajirin ont osé frapper l'Ansar après qu'ils les ont accueillis tous les... Hein? Et il a dit, par Allah, quand nous allons revenir à Médine, les honorables vont faire dégager les déshonorés. Il voulait dire par ça l'honorable, lui, et les rabaisseurs, Rasulallah alayhi wa sallam. Ayyadan billah. Ceci a été transmis à Rasulallah alayhi wa sallam. Omar, quand il a entendu ça, il a dit, Ya Rasulallah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Rasulallah alayhi wa sallam a dit, laisse-le ya Omar. Que les gens ne parlent pas comme quoi Mohammed alayhi wa sallam tue ses compagnons. Hein? L'histoire, il est chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Regardez la fermeté, la force d'Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, anhu wa arda. Mawqifu Omar, indama arada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yusalli ala za'im al-munafiqin indama mat. قال عمر لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر وتبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على أبي بن أبي أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا يقول عمر أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال يا عمر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث الله يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. Et dans le hadith authentique qui est passé avec nous hier, quand Rasulullah a voulu prier sur la tête et le leader des hypocrites, Omar ibn Khattab de compter lui-même comment il a fait. Il dit, quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est mort, on a appelé Rasulullah pour prier sur lui. Rasul allait partir, je me suis levé, je l'ai tiré, je dis, ah Rasulallah, tu vas prier sur lui, sur ibn Ubay, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier sur ibn Ubay? Il a dit ceci, il a dit cela, et tel jour, il a dit ceci, il a fait, etc. Il commence à lui citer tout ce qu'il... Rasulullah sallam a souri, il a dit, laisse-moi Omar, lâche, laisse-moi. Et quand Omar ibn Khattab a insisté et insisté, Rasulullah sallam lui a dit, il m'a été donné le choix. Et si je sais qu'en faisant dua pour lui plus de 70 fois, j'aurais augmenté plus de 70 fois. Et Omar de dire, Rasulullah alayhi wa sallam a prié sur Ubay ibn Saloul. Et il est parti. Et il est resté juste un laps de temps. Et tout d'un coup, le verset, il arrive. Dans surat, deux versets dans surat Bara'a. Qui dit, il ne prie sur aucun d'eux. Une fois mort. Jamais ne prie sur aucun d'eux. Une fois mort. Hein? Jusqu'à la fin du verset qui dit, ils sont pervers. Omar de dire, je me suis étonné de l'audace ce jour-là que j'avais eu en face du prophète alayhi salatu wasalam. Il a été audacieux ce jour-là devant le prophète alayhi salatu wasalam. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? C'est les réactions, c'est ce que le mal qu'avait fait Ubay ibn Saloul quand il a Hein, propager ce qu'il a propagé sur Aïcha radiallahu anhu wa ardaha, et tout ce qu'il propage sur les nobles compagnons radiallahu anhu, sur le muhajirun, et ainsi de suite. Et il a dit, je me suis étonné de mon audace devant le prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là, et sauf Allah, c'est Allah et son messager qui savent. موقفه الخامس مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه عندما أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم حاطب يعني une autre position de عمر بن الخطاب vis-à-vis de حاطب بن بلتعة il a personne c'est un étranger à قريش qui s'est installé à la Mecque. Donc il a fait l'immigration à Médine, il a laissé quelques-uns de sa famille là-bas et un peu de fortune là-bas. Et en général, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, quand il veut faire une conquête ou une bataille, il n'annonce pas l'endroit. Il fait des allusions. Hein? Mais il n'annonce pas. Mais cette fois, pour la conquête de la Mecque, il a annoncé. Hada Hatib, il a écrit à Quraysh. Comme quoi Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam allait arriver. Il a donné une femme pour le porter là-bas. Hein? يقول علي رضي الله عنه وارضاه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد. فقال صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ مكان بين مكة والمدينة وهو من المدينة أقرب فإن بهذا غنى امرأة في هودج معها كتاب من حاطب فأتوني به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه دون كنت لإستواكم وإلى تعيه إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نوفي موا الزبير أنسي كل مقداد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرفلاسيون ها كنت حاطب أجيكم إلى أجي ليكري لليفر pour annoncer que الرسول صلى الله عليه وسلم serait pas pour conquérir la Mecque. La révélation est arrivée min Allah Azza wa Jal, lui a annoncé. Et donc il a dit à Ali, Zubair et Al-Miqdad, allez-y. Vous allez à tel endroit, vous allez à tel cimetière, le cimetière de Khar, qui se trouve entre Mecca et Médine, mais il est plus proche de Médine que de Mecca. Et vous allez trouver une femme qui est sur un dromadaire là-bas, et vous allez lui prendre le livre, la lettre que lui a écrit Hatib. قال علي فانطلقنا تتعادى أي تجري بنا خيلنا حتى أتينا روضة خاخ فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها أي من ضفائر شعرها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من قريش يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني de nous dire nous sommes partis en mettant le turbo de nos chevaux jusqu'à arriver à ce cimetière de Khar et nous avons trouvé la femme comme nous l'a annoncé Rasoul صلى الله عليه وسلم nous lui avons dit sors la lettre. La femme a dit, j'ai pas de lettre, sors la lettre, sinon on va te dépouiller tes vêtements. Quand la femme a vu la fermeté de Ali et des autres compagnons, il a sorti la lettre, il était dans sa nappe, l'une des nappes de ses cheveux. Il l'a sorti, il leur a donné, ils ont fait demi-tour, ils sont revenus. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a ouverte, il a trouvé de Hatib ibn Abi Balta'ati à certaines personnes de Quraysh, leur annonçant certaines situations du prophète alayhi salam, ce que le prophète allait faire. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب. Et là, le Rasoul صلى الله عليه وسلم, quand il a reçu la lettre, il l'a lu, il a dit à Hatib, qu'est-ce que tu as fait à Hatib? Qu'est-ce que ça veut dire? فقال يا رسول الله لا تعجل علي ما فعلته كفرا بعد اسلام ولا ردة عن الدين بعد أن إذ هداني الله إليه ولكني كنت امرئا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وما من أحد من أصحابك إلا له أهل في قريش يحمون ماله وأهله فأردت إن فاتني ذلك من النسب أن أتخذ بهذا الكتاب عندهم يدا يحمون بها أهلي ومالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أوليس قد شهد بدرا حاطب ممن شهدوا بدر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فأنزل الله تبارك في حاطب نبي بلتعة وكتابه الذي بعث به إلى قريش سورة الممتحنة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال حاطب إلى يا رسول الله précipite pas, je ne l'ai pas fait par mes créances ou que j'ai apostasie de l'islam, après que Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé, pas du tout, mais je suis quelqu'un d'étranger à Quraysh, je ne fais pas partie d'eux, tous tes compagnons qui sont autour de toi, ils ont leur famille là-bas, qui protègent leurs biens, qui protègent aussi les leurs, moi j'ai personne là-bas et j'ai voulu par cette lettre protéger mon bien et les miens et ma famille là-bas par cette lettre j'ai voulu protéger ma fortune et ma famille là-bas Rasulullah s'est tourné vers le compagnon l'homme. Il est véridique avec vous il vous a dit la vérité Omar s'est levé il a dit ya Rasulullah laisse-moi couper la tête à cet hypocrite hein Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Oh Omar, n'est-il pas parmi ceux qui ont assisté à Badr Hatib a été un combattant durant la bataille de Badr. Qu'est-ce que t'en sais, Oh Omar Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné aux gens de Badr. Il leur a dit Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un verset concernant. Hatib et ce qu'il a écrit et le livre qu'il a écrit à Quraysh dans Sourate Al-Mumtahin يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Le verset qui est descendu, oh vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés. Hein? Et ne vous alliez pas d'amitié avec eux. Ils ont mécru parce qu'il vous a été arrivé de la vérité. Ils ont fait sortir le messager vous-même parce que vous avez cru en votre souverain et parce que vous êtes sorti pour combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et que vous voulez l'agrément d'Allah. Alors que maintenant vous leur divulguez les secrets, et moi je sais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, je sais ce que vous cachez, et ce que vous divulguez, ce que vous déclarez, et celui qui le fait parmi vous, il s'est égaré du chemin. Là, la position de Omar, comment il est pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala hein? Ces positions sont des positions d'hommes fermes. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus fort dans la religion d'Allah et pour Allah, de ma communauté, c'est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu wa Allah. Et malgré tout ça, Omar ibn Khattab est-il un des hommes les plus cléments quand on sa khilafa pour cette communauté, il a été l'un des plus cléments. Il a vu de la clémence pour cette communauté aussi. كذلك موقفه في صلح الحديبية رضي الله عنه وارضاه عندما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شروط قريش الجائرة في صلح الحديبية جاء عمر فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه متغيظا، ولم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال أبو بكر: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله. فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه، فقال عمر: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فطابت نفسه رضي الله عنه وارضاه فرجع. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. En ce qui concerne le pacte de la réconciliation de l'Hudaybiya, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a accepté certaines conditions qui apparaissaient aux musulmans à ce moment-là rabaissantes, dont la clause de la réconciliation de l'Hudaybiya. Omar, quand il a vu ça, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ne sommes-nous pas sur la vérité, ya Rasoulallah? Et eux, ils sont sur le faux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit: certes, c'est la vérité. Ce que tu dis, c'est vrai. Il lui a dit: ya Rasoulallah, nos morts ne seront-ils pas au paradis, leurs morts seront en enfer? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: oui. Et Omar ibn Khattab lui a dit: pourquoi maintenant se rabaisser devant eux? Pourquoi se rabaisser alors que notre religion c'est la vérité, etc., et qu'on doit retourner alors que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas tranché entre nous et eux? Il lui a dit: oh fils de Khattab, oh Omar, je suis le messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne me laissera pas tomber. Et Omar, en colère, ne s'est pas retenu. Il est allé vers le deuxième homme de la communauté, qui est Abu Bakr Siddiq. Il est allé le voir. Il n'a pas pu se retenir. Il est arrivé à Abu Bakr Siddiq, il a dit: est-ce que nous ne sommes pas sur la vérité, eux ils sont dans le faux? Abu Bakr lui a dit: certes, on est sur la vérité, ils sont dans le faux. Nos morts seront-ils au paradis, leurs morts seront en enfer? Abu Bakr lui a dit: oui. Pourquoi on se rabaisse dans notre religion? Pourquoi on retourne alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tranché entre nous, n'a pas jugé? Abu Bakr lui a dit: Ibn al-Khattab, il est le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le laisser tomber. Le Coran est descendu sur le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui annonçant la conquête. Inna fatahna laka fatahan mubina. Et quand le verset est descendu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé qu'on ramène Omar. Il lui a récité le verset et lui a dit: ya Omar ibn al-Khattab, il a dit: ya Rasoulallah, c'est une conquête? Ce pacte est une conquête? Il a dit: certes. Là, l'âme de Omar s'est apaisée et il est revenu à lui-même et il est revenu. Il n'a plus rien dit. Radiallahu anhu arda. Et l'histoire est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah. كذلك موقفه في غزوة تبوك radiallahu anhu arda. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، أي ذبحنا الإبل التي يسقى عليها، فنأكل وندهن. Pendant la bataille de Tabouk, c'est une bataille des temps de difficulté. C'est la bataille, vous vous rappelez, quand on a fait Uthman ibn Affan, la bataille du moment de la difficulté, quand Uthman ibn Affan a armé le tiers de cette armée avec sa propre fortune. C'est une époque qui était une époque de chaleur, de sécheresse. Et quand ils étaient dans la région de Tabouk, les gens ont eu faim. La famine les a atteints. Certains parmi les compagnons de Mohammed alayhi salam ont dit: donne l'autorisation d'égorger quoi? D'égorger les chamelles sur lesquelles ils vont chercher de l'eau dans les sources ou dans les puits. Et comme ça, on va manger un petit peu, on prendra un peu de gras, etc. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم دي فت فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لا تفعل إنهم إن فعلوا نفذ الظهر وهو ما يحمل عليه من الإبل ولا يجدون ما يركبون عمر بن الخطاب est arrivé, lui a dit non, ne le fais pas. Il ne faut pas le faire, parce que s'ils égorgent leur monture, après on n'aura plus, ils n'auront plus des montures sur lesquelles ils vont monter. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a donné la solution. Radiallahu anhu. Walakin ya Rasulallah, ud'uhum bifadli azwadihim, thumma ad'u Allah lahum bil baraka, fa'asallahu an yaf'al, et fa'asallahu an yubarika fi ta'am. Il lui a donné la solution. Il dit, ya Rasulallah, appelle-les tous et qu'ils ramènent ce qu'il leur reste comme nourriture. Hein? Et fait dua, que Allah subhanahu wa ta'ala descende la bénédiction sur ces dua, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a appelés. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع أي بساط من الجلد فبسطه وأمرهم أن يأتوا بأزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف من درة وآخر يجيء بكف من طمر وثالث يجيء بكسرة خبز حتى اجتمع على النطع شيء قليل من الزاد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالبركة في الطعام فبارك الله لهم في الطعام فقال صلى الله عليه وسلم خذوا واملأوا أوعيتكم فملأوا أوعيتهم حتى لم يبق بالجيش وعاء إلا ملئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى كنت عمر بن الخطاب a dit ceci à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a tous appelés et après il a donné l'ordre qu'on étale une peau, hein, une nappe devant lui. Il leur a demandé de jeter tout ce qu'il leur reste. Quelques uns ont jeté quelques dattes, un peu de maïs, certains ont jeté un peu un morceau de pain et ainsi de suite. Et c'était peu de choses. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire dua et Allah subhanahu wa ta'ala a mis la bénédiction dedans. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez, remplissez vos récipients, vous remplissez vos réserves. Toute l'armée a rempli ses réserves. Hein? Et à ce moment-là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, que je suis le messager d'Allah, tout serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec cette attestation, il sera pas, il y aura pas une séparation entre lui et le paradis. Ceci est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala. Les positions qu'avait Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda durant la vie du prophète. Comme nous l'avons hier, le Coran est descendu en concordance avec les décisions et les opinions de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda. موقفه مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أبو هريرة كنا قعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع فخرجت وأبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا أي بستانا للأنصار لبني النجار فذرت به هل أجد له بابا فلم أجد فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قال كنت بين ظهراننا بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا وكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة واعطاني عليه اذهب بنعلي هاتين فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الله عز وجل أبو هريرة نزيغ رضي الله عنه وارضاه. Nous étions autour du prophète عليه الصلاة والسلام. Il y avait avec nous Abu Bakr et Omar et d'autres personnes. Donc le Rasoul صلى الله عليه وسلم s'est levé, il est allé quelque part et il a retardé. Nous avions eu peur et j'étais le premier à aller à la recherche du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis arrivé au jardin de Banu Najjar et j'ai tourné autour de la muraille, j'ai pas trouvé de porte et j'ai fait comme fait le renard, des trous, des conduites d'eau, hein, pour conduite d'eau, hein. Il y a des trous en bas et il s'est clipsé par là, il est rentré radiallahu anhu arda. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a senti, il lui a dit, hein, Abu Huraira, il a dit, oui, ya Rasulallah. Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, ya Rasulallah, tu étais au milieu de nous, et nous avions eu peur, et je suis le premier qui est sorti à ta recherche, et les gens sont derrière moi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ses chaussures. Il lui a dit, ya Abu Huraira, sors dehors. Celui que tu rencontres en dehors du jardin, annonce-lui que c'est que tout un chacun qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude dans son cœur, annonce-lui le paradis. Wa kana awwal yaqulu Abu Hurayra wa kana awwal man laqitu Umar faqala ya Umar ma hadani an-na'lan ya Abu Hurayra فقلت هذان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بين تديي بيده فخررت رئستي فقال أي عمر ارجع يا أبا هريرة. Et la première personne qui va rencontrer Abu Huraira quand il sort du jardin, il va rencontrer Omar ibn al-Khattab. Omar al-Khattab regarde les chaussures qu'il y a dans les mains d'abord. Il dit, c'est quoi ces chaussures? Ça, ce sont les chaussures du prophète alayhi salatu wasalam. Il me les a données, il m'a dit, tout ce que tu rencontres derrière cette porte qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la certitude dans leur cœur sur cette attestation, annonce-leur le paradis. Omar al-Khattab lui a donné un coup sur sa poitrine, il est tombé par terre sur ses fesses. Il lui a dit, retourne. C'est-à-dire, retourne vers le prophète, alayhi salatu wasalam. يقول أبو هريرة فرجعت إلى رسول الله فأجهزت بالبكاء وركبني عمر أي تبعني وإذا هو على إثري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين يدي ضربة فخررت لإستي فقال ارجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما فعلك على ما فعلت فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أبعدت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال صلى الله عليه وسلم نعم قال عمر فلا تفعل فإني أخاف أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم رواه الإمام مسلم خشي عمر ماذا أن يتكل الناس على قولهم لا إله إلا الله فلا يعملون رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر شدة وصلابة وحرص على دين الله عز وجل. أبو هريرة de retourner vers le prophète عليه الصلاة والسلام en pleurant. Et il marchait derrière lui, Omar ibn al-Khattab. Tout d'un coup, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam voit Abu Hurayra, il dit, qu'est-ce que t'as, Abu Hurayra? Il lui dit, j'ai rencontré la première personne que j'ai rencontrée à Omar ibn al-Khattab, et je lui ai annoncé ce que tu m'as dit. Et elle m'a donné un coup sur ma poitrine, je suis tombé sur mes fesses par terre. Et il m'a dit, retourne. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a regardé Omar et lui a dit, ah Omar, pourquoi tu as fait ce ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Omar lui a dit, est-ce que tu as envoyé Abu Hurayra avec tes chaussures pour annoncer aux gens que celui qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la certitude dans son cœur qu'il a le paradis? Il lui dit, oui, je l'ai envoyé avec ça. Elle dit, alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Car j'ai peur que les gens fassent confiance, s'appuient sur la ilaha illallah, qu'ils fassent rien, qu'ils accomplissent aucune œuvre. Laisse-les œuvrer, laisse-les faire des œuvres. Faqala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était d'accord avec Omar, lui a dit donc laisse-les. Hein? Regarde maintenant, Omar ibn al-Khattab, il a peur que les gens, une fois qu'ils disent la ilaha illallah, ils ne font plus rien. Regarde cette fermeté et cette réaction et ces réactions pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils sont. Parce qu'il sait, radiyallahu anhu wa arda, l'iman, ce sont des actes. C'est quelque chose qui est dans le cœur, mais qui doit être prouvé avec des actes. Radiyallahu. Il a appris tout ça de qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas voulu que les gens s'appuient tout simplement sur le fait de dire la ilaha illallah. Hein? Cette fermeté qu'il avait radiyallahu anhu wa arda dans cette religion. وموقفه كذلك من الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه فيما روى الإمام مسلم أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعرانة موضع قرب قريب من مكة من صرفه من حنين عندما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إن لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال ما عاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. C'est la position d'Omar ibn al-Khattab aussi, en face de cet homme qui s'est opposé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lors du retour de la bataille de Hunayn. Jabir ibn Abdillah, comme il est rapporté par l'imam muslim, de nous dire un homme est venu voir le prophète, vers le prophète au moment où le Rasoul revenait de la bataille de Hunayn. Et il y avait Bilal à côté du prophète et dans son tissu il y avait de l'argent, le métal, hein, pas les pièces, le fidda. Hein, et le Rasoul donnait à des gens comme ça. Hein? Comme ça, il donnait. Un homme a dit, oh Mohammed, sois juste. L'audace, regardez l'audace. Adas, c'est l'un des ancêtres des Khawarij et Takfiri du monde moderne maintenant. Ils ont eu l'audace de se révolter contre le prophète alayhi salatu wasalam. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pourquoi ils ne se révolteraient pas contre Ibn Baz, contre l'Albani, contre Ibn Uthaymin, contre les gouverneurs qui existent? Peu importe, ils ont eu l'audace devant le prophète. Il n'y a plus de limite. Ils n'ont aucune limite. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, malheur à toi. Si moi je ne suis pas juste, qui va l'être? Tu as perdu. C'est-à-dire tu as perdu. Si tu me suis alors que je ne suis pas juste, tu as perdu. Hein? Si moi je ne suis pas juste, bah tu as perdu en me suivant. Omar lui a dit, ya Rasoul Allah, laisse-moi couper la tête à cet hypocrite. Fermeté dans la religion d'Allah. Hein? Laisse-moi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, non, par Allah, non, que les gens ne parlent pas que Muhammad alayhi wa sallam tue ses compagnons. Il lui a dit, celui-là et ses compagnons lisent le Coran et le Coran ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire, ils ne le mettent pas en application, ils ne le comprennent pas, et etc. Et ils sortent de la religion, comme sort la flèche du gibier. Tu vois, quand tu as une force qui tire sur un gibier, la flèche qui rentre dedans, comment il sort de l'autre côté? Hein? La même chose. Et regarde, ce qui nous intéresse ici, c'est les positions d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. Comment il était pour la religion d'Allah, et pour, hein? Quand il s'agit de la personne du prophète, alayhi salatu wassalam. Indama qara'a hakim, هشام بن حكيم بن حزام القرآن بأحرفه لم يكن يعرفها عمر ماذا كان موقف عمر؟ يقول عمر: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته، أي أخذت بمجامع ردائه في عنقي وجررته، وجررت به أي بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى. هشام عمر دو دير جي اونتوندو هشام بن حكيم بن حزام لير سورة الفرقان دو ليكتور كو لوي نا با اونتوندو. Alors que Rasoul, lui, il a prêché le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'une autre façon. Il a dit, je lui ai laissé un laps de temps, et après Omar ibn Khattab n'a pas pu se retenir. Il l'a attrapé par le vêtement d'en haut, il l'a serré au niveau du cou. Il l'a traîné vers le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a dit, lâche-le ya Omar. Il l'a lâché. Il a dit, celui-là, il est le Furqan. D'une façon, j'ai jamais entendu la lecture du Furqan comme il le lit celui-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hisham ibn Hakim, lit. Quand Hisham ibn Hakim a lit le Furqan, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme ça qu'il a été descendu. Et il a dit à Omar ibn Khattab, lit. Omar ibn Khattab a lit l'autre version de la lecture. Il a dit, c'est comme ça qu'il a été descendu. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce Quran est descendu sur cette langue. Hein? Lisez par celle qui vous est facile, celle que vous pouvez. Hein? Ceci est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Ça se prouve quoi? Ça se prouve cette fermeté. Il y a quelque chose. Il n'a pas entendu le prophète alayhi salatu salam. Il s'agit de la parole de Allah. Il n'a pas pu s'empêcher pour qu'il n'y ait pas quelque chose d'étrange ou d'étranger qui vient s'immiscer dans la religion d'Allah. Hein? Ça, c'est la fermeté et la force de la religion de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu warda, en ce qui concerne Allah, en ce qui concerne le messager d'Allah, en ce qui concerne le livre d'Allah, en ce qui concerne la sunna, en ce qui concerne cette communauté radiallahu anhu warda. Mawqifuhu min ibn al-Siyad ladhi yuqalu annahu al-Dajjal. Sa position de ibn al-Siyad qui disait que c'était le Dajjal. Alors qu'il n'est pas. Yaqulu ibn Umar radiallahu anhu warda, intaraqa Umar في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن الصياد، كان أبوه من اليهود ولا يدري من أي قبيلة هو، وهو الذي يقال أنه الدجال، حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن الصياد يومئذ يحتلم، فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله. فنظر ابن الصياد فقال: أشهد إنك رسول الأميين. قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبئا. قال ابن صياد: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو أي الدجال فلن تسلط عليه، لأن الذي يسلط عليه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. هذه منتنو celui qu'à un moment donné les compagnons se disent que c'est الدجال بن الصياد. بن عمر يزير dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, sont partis avec le prophète alayhi salatu salam, avec un certain nombre de compagnons, vers Ibn Sayyad. Et le père de Ibn Sayyad était juif. Et on ne sait pas de quelle tribu ils étaient. Et il se disait, il se propageait comme quoi c'était Dajjal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a trouvé, c'était à l'époque où il arrivait à la puberté, en train de jouer avec des enfants. Il n'a rien senti. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a tapé sur son dos. Et il lui a dit, est-ce que tu attestes que je suis le messager d'Allah ? Ibn Siyad l'a regardé, il lui a dit, moi j'atteste que tu es le messager des illettrés. Ibn Siyad a dit au prophète, est-ce que tu attestes que je suis le messager d'Allah ? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, moi je crois en Allah et en ses messagers. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois maintenant ? Ibn Siyad lui a dit, il y a un menteur et un véridique qui vient me voir. Parce que il y a Shayatin qui vient lui insuffler, Shayatin Jin qui vient lui insuffler des choses. Il dit, il y a un véridique et un menteur qui vient me voir. Ça veut dire qu'il était dans une situation perturbée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu es perturbé maintenant, la situation est floue pour toi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je t'ai caché quelque chose. C'est quoi? Il a dit, c'est dhr. Hein? Il n'a pas pu dire. Je voulais dire. Il s'agit de Surat Dukhan qui a été révélé au messager alayhi salatu wasalam. Mais lui, tout a été flou pour lui à ce moment-là devant le prophète alayhi salatu wasalam. Au lieu de dire Dukhan, il a dit Dukh. Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tais-toi, tu ne peux pas dépasser ta place. Parce que c'est un kahin, ce que tu veux, c'est un djal, c'est un menteur. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tais-toi, tu ne peux pas dépasser ta place. Hein, c'est tout. Omar lui a dit, donne-moi l'autorisation à Rasulallah, je vais lui couper la tête. Hein, comme ça, on est tranquille. Rasulallah lui dit, si c'est Dajjal, tu ne peux rien contre lui. Parce que ce n'est pas toi qui vas le tuer. Il est dit que ce soit Isa qui le tue. Allez, salatu wassalam. Donc tu ne peux rien pour lui. Hein, tu ne pourras rien pour lui. Mais ici, si c'est pas Dajjal, à quoi ça te sert de le tuer? Hein? Ça, ce sont les positions de Omar radiallahu anhu arda. Nous allons arrêter aujourd'hui ici, inshallah. Il restera deux séances sur Omar ibn Khattab, ses positions pendant sa khilafa et aussi après sa mort, ce qu'il en est, etc. Et donc, ça sera sur le salon du centre Al-Furqan, Inch'Allah, on verra en fin de semaine, Inch'Allah, sur la suite, les deux séances qui restent. C'est un résumé de la biographie d'Omar ibn Khattab, de ses positions, etc. Mais sans ça, c'est quand on voit ce qu'a écrit Imam Ahmed Rahimahullah concernant les vertus de ses nobles compagnons, ce qu'a écrit Ibn al-Jawzi en ce qui concerne les vertus de Omar ibn al-Khattab et tous ceux qui ont écrit sur les nobles compagnons, c'est énorme. On ne peut pas se lire en trois sciences ou quatre sciences, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a certains hommes de science qui ont écrit tout simplement les positions éducatives dans la vie des nobles compagnons, parce que toute leur vie, c'est la mise en pratique de cette religion. La vie de ces nobles compagnons, c'est la mise en pratique de cette religion. Hein? C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous, pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, et pour aller vers le mieux, et amener nos familles, notre communauté, et ceux que nous aimons, et nos frères, en Allah, azzawajal, vers la gloire et la suprématie, c'est de revenir à leur voie. Et d'orienter ceux que nous pouvons à aller vers leur voie. Hein? Par la meilleure des méthodes, et par sagesse, et selon la sagesse de notre messager, alayhi salatu salam, et la sagesse et la voix de ses nobles compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, wa astaghfirukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uh, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.